Debout, la soif de Dracula, comme le pochon du coin de ta rue dans 10 piges, on sera encore là. Tempête sous un crâne piquant comme la Harissa, Doc, froid comme le Dude, enlève ton froid et ta baraka, ça sort du caniveau. Cœur de Cheyenne, face de gringo, et sa BLON, le mauvais oeil pour les fachos, muchacho. J'ai pas de conseils à donner, amigo. Sors la tirilo, dépasse ce convoici. En vadrouille, on s'exporte, en charrette ou carrosse. Ouvre la neuvième porte, tes ombres t'en poussent comme des feuilles mortes. J'ai le hood comme escorte, la petite 57 assez, tu te trouves le 57 assez. J'ai déjà 5 ans, on t'a dépassé. Ok, tu penses que c'est assez. On augmente la cadence, 5 de 5 au micro d'acier. Ta seule réponse, silence. Ta dernière chance, la dernière balle de la dernière chambre. Je suis venu pour tout prendre, j'aspire ton âme et laisse ton corps ensemble. Les belles chargées d'encre, j'écris une symphonie. Pousse ce son à l'agonie, transforme la fête en tragédie. Congédie les anges, quand la nuit tombe, écoute le démon rit. Au pays des ombres, la misère crie, le bonheur mis à prix. Le soleil fuit volatile, comme un colibri. Les mouvements d'ailes d'un papillon, je n'en ai plus pour des poésies. La plus sûre des stratégies. Abattre le leader, un corps sans tête, ne cours pas loin, mais je garde une bombe pour le successeur. Les imposteurs, mes détracteurs du RAP, je suis le bookmaker. L'artisan, teaser, teaser, dans ma toile, toutes les étoiles se meurent. Ce monde, mes cœurs, chaque jour le meurtre, mes fleurs. Fini d'être un lecteur, je viens prendre la place du rédacteur.